Exercice 5, page 76. A. Être facile, la facilité. B. Être rapide, la rapidité. C. Être timide, la timidité. D. Être possible, la possibilité. E. Être sensible, la sensibilité. F. Être lisible, la lisibilité.